Bonjour et bienvenue dans la huitième séquence du cours sur l'économie du web. Maintenant que nous disposons des bases nécessaires pour entrer directement dans le cœur de notre sujet, nous prendrons deux séances pleines pour le développer et en discuter. Dans celle-ci, nous aborderons le débat sur la valorisation du travail de l'internaute qui sous-tend l'économie du web et fait aussi son ambiguïté. L'internaute est-il un travailleur exploité ou un consommateur comblé? Nous savons maintenant que toute production de service est une coproduction entre le producteur et le consommateur. Il y a peut-être là une piste de réponse. Par ailleurs, nous verrons aussi que les débats sur la neutralité du net masquent des transactions plus souterraines et décisives sur la maîtrise du trafic dans les réseaux. Vous avez enfin déjà bien commencé à débattre de ces questions sous les billets que vous avez rédigés. Il vous reste une semaine pour déployer vos arguments. Cette séquence peut vous fournir quelques éclairages supplémentaires. Alors, n'hésitez pas à vous en servir pour alimenter la discussion publique. Au plaisir donc, encore une fois, de vous lire et d'en débattre avec vous.